La ilaha illallah, parole et acte. Il a dit aussi, rahimahullah, sache qu'Allah te guide, qu'Allah t'a créé pour son adoration et t'a ordonné son obéissance. Et la plus importante chose dans son adoration est la connaissance de la ilaha illallah par le savoir, la parole et les actes. Ceci est englobé par la parole d'Allah. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Sourate 3, verset 103. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Issa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42, verset 13. Sache que la recommandation d'Allah envers ses serviteurs est la parole de l'unicité, le discernement entre l'islam et la mécréance. À cause de cela, les gens se sont divisés par ignorance, par agressivité ou par endurcissement. Ce qui englobe ceci est le regroupement de la communauté selon la parole d'Allah. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42, verset 13. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu, et je ne suis point du nombre des associateurs. Sourate 12, verset 108. Il est obligatoire pour chacun de connaître At-Tawahid, d'admettre qu'il l'aime avec son cœur, le défend avec ses mains et sa langue, et le rend victorieux et s'y rallie. S'il reconnaît l'association, il se doit de la renier avec son cœur. Alors, à ce moment-là, il fera partie de ceux dont Allah a dit à leur égard. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate 3, verset 103. Il a aussi dit, rahimahullah, pas de divergence dans la Oumma quant au fait que At-Tawahid doit être avec le cœur, c'est-à-dire le savoir, la langue qui est la parole, les actes qui représentent l'exécution des ordonnances, obligations et interdictions. Toute personne à qui il manque un des points cités ne peut être musulmane. Si elle admet l'unicité mais ne la pratique pas, alors elle est mécréante, endurcie, tel Pharaon et Iblis. Si elle applique l'unicité dans l'apparence sans avoir la croyance, alors celle-ci est purement un hypocrite, pire que le mécréant. Ad-Durar Saniya, volume 2, page 124. Il a dit, rahmahullah, At-Tawahid se divise en deux, Tawahid Rububiyya et Tawahid Al-Uluhiyya. En ce qui concerne Tawahid Rububiyya, les mécréants et les musulmans le reconnaissent. Alors, Tawahid Al-Uluhiyya est la division entre les mécréants et les musulmans. Chaque musulman se doit de différencier entre l'un et l'autre, et se doit de savoir que les mécréants ne reniaient pas qu'Allah est le Créateur, pourvoyeur, administrateur. Allah a dit, « Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout ?» Ils diront, « Dieu. » Dis alors, « Ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate 10, verset 31. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement, « Dieu. » Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Sourate 29, verset 61. Si tu parviens à savoir que les mécréants admettaient cela, alors tu sauras que ta parole, Allah est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique administrateur. Cela ne te rend pas musulman jusqu'à ce que tu prononces la ilaha illallah avec les actes qui l'accompagnent. Chacun de ces noms a un sens particulier. Dire qu'Allah est le créateur signifie qu'Allah a créé la création après qu'elle n'existait pas. Ce qui est de ta parole le pourvoyeur. Sa signification est qu'après la création des créatures, il leur a donné leur subsistance. Et pour ce qui est du administrateur, c'est celui qui ordonne la descente et la montée des anges entre les cieux et la terre. Il dirige les nuages par son ordre, ainsi que les vents, ainsi que pour toutes ces créatures. Il les ordonne comme il veut. Ces noms que les mécréants admettent sont liés au Tawahid al-Rububiyya, qu'ils admettent aussi. Quant au Tawahid al-Uluhiyya, c'est ta prononciation de la ilaha illallah et ta connaissance de sa signification, comme tu as déjà connu la signification des noms en relation avec Tawhid Rububiyya. La parole de la ilaha illallah comporte une négation et une affirmation. Elle élimine toute divinité en dehors d'Allah et elle affirme l'adoration pour Allah seul. Et la divinité adorée dont l'adoration ne peut être vouée qu'à lui, Allah l'unique. Quiconque voue une adoration ou immole pour qui que ce soit, alors il l'a adoré et ainsi il en va de même pour l'invocation. Allah a dit, et n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras lors du nombre des injustes. Sourate 10, verset 106. Il en est de même pour celui qui met des intermédiaires entre lui et Allah et prétend que c'est dans le but de se rapprocher d'Allah. Il les a en effet adorés. Et Allah cite ceci vis-à-vis des mécréants. Ils adorent au lieu de Dieu ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. » Dit « Informerez-vous Dieu de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ?» Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate 10, verset 18. Il a aussi dit « C'est à Dieu qu'appartient la religion pure. » Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. En vérité, Dieu jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Dieu ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. » Sourate 39, verset 3.